Kariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal et dont voici d'abord les principales articulations. Le diocèse catholique de Muyinga emboîte le pas à l'administration pour redresser l'éducation des jeunes en vue de parier à un nombre croissant de grossesses non désirées chez les jeunes filles. Désormais, des équipes de sécurité vont bientôt être mises en place. Elles seront chargées d'empêcher tout accès à la messe aux personnes qui portent des tenues inappropriées. À Bouhiga, en province de Karoussi, on parle de paralysie du service public. Le secrétariat communal et la comptabilité sont fermés depuis au moins une semaine. Le Conseil national de sécurité demande au ministère des Mines de revoir les conventions d'exploitation minière signées entre l'État burundais et les sociétés en vue de respecter le principe de qui puisse satisfaire toutes les parties. Et puis nous sommes le 11 février, journée internationale dédiée aux malades. L'organisation locale Semabou, cadre d'expression des malades, dénonce le mauvais accueil des personnes malades dans différentes structures de soins qui restent d'actualité dans le pays. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le diocèse catholique de Muyinga épouse la mesure de l'administration visant le redressement de l'éducation des jeunes dans la province en ces jours où il s'observe un nombre élevé de grossesses non désirées chez les élèves. Annonce faite par l'abbé Jean Chrysostome Minani lors de la messe qu'il a célébrée hier dimanche à la cathédrale de Muyinga. Selon lui, des équipes de sécurité seront bientôt mises en place pour empêcher l'accès à la messe. Quiconque sera en tenue inappropriée, les précisions d'Apollinaire Muzagara qui était à Muyinga. Vers la fin de cette messe, Abbé Minani Jean Chrysostome a annoncé le soutien à l'endroit de l'administration locale dans le but de redresser l'éducation des jeunes et même celle de certains adultes de cette province. Il a déploré l'habillement de certaines femmes qui portent des vêtements qui devraient servir de sous-vêtements, dont les collants, mini-jupes, habits transparents et autres. Des équipes de sécurité seront bientôt par conséquent mises en place en vue d'empêcher de telles personnes à entrer dans la messe, a annoncé Abbé Minani Jean Chrysostome. Il a même invité les chrétiens d'une manière générale à songer à l'hygiène corporelle et vestimentaire avant d'aller à la messe. Ce clerc l'a annoncé après la lecture à la messe d'un communiqué de l'administrateur communal de Muyinga faisant part des mesures coercitives à l'endroit des jeunes filles et garçons en général et élèves en particulier qui se comportent ainsi, d'après ce communiqué, seront sévèrement punis. Tout jeune élève qui sera surpris en train de faire la révision des cours dans la nature, des jeunes garçons et filles en sortie au-delà de 18 heures sont aussi concernés, sans oublier ces jeunes qui fréquentent les boîtes de nuit et autres. L'administrateur de Muyinga a sorti ce communiqué après le constat d'un fort taux d'abandon scolaire dont le gros est constitué par des filles enceintes. De Muyinga, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Paralysie du service public au bureau communal de Muyinga en province de Karoussi, où le secrétariat et la comptabilité sont fermés. Le secrétariat communal est fermé depuis le 2 janvier et la comptabilité depuis une semaine. Les conflits entre les membres du conseil communal sont à la base de cette paralysie. Certains d'entre eux déplorent que la situation s'empire au jour le jour. Le secrétaire communal demande le départ en retraite de la comptable communale Blaise Pascal Kararoumi. Le bureau de la comptabilité de la commune de Muyinga, province Karoussi, est fermé depuis lundi passé le 4 février. Le même jour, l'administrateur communal de Muyinga a affecté Madame Abdialima Nassofi, comptable communale, comme agent de l'état civil, comme cela se lit dans sa décision de la même date de fermeture du bureau de la comptabilité. L'administrateur Esfazine Akarutimana a limogé la comptable communale en évoquant les raisons d'enquête de la police sur le cas de vol d'une machine ordinateur qui a été volée au bureau de la comptabilité, vol qui a été constaté le même jour de ce 4 février lorsqu'il se présentait tous au service le matin. Cependant, la police indique que les enquêtes sont en cours pour ce cas de vol. Certains des membres du conseil communal affirment que leur conseil communal est déjà divisé suite à des décisions qu'ils qualifient et même de non concertées de leur bureau sur le fonctionnement de cette commune. Il parle alors de deux tentatives de limogeage de cette comptable et qui a échoué dans deux réunions du conseil communal. Cela est arrivé au moment où même le secrétariat de cette commune est fait permet depuis le 2 janvier 2019, malgré le recrutement du nouveau secrétaire qui devrait débuter le service avec le mois de janvier. L'autorité communale indique que la commune cherche encore les frais de fin de service de l'ancien secrétaire en pension depuis le mois de janvier. Un spécialiste de la décentralisation contacté demande qu'il y ait contrôle de tutelle pour arrêter cette paralysie du service public dans cette commune de Mouliga. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Kisanganiro. Kisanganiro, la radio de l'avenir. Le Conseil national de sécurité recommande au ministère ayant les mines dans ses attributions de revoir les conventions d'exploitation des minerais signées entre l'État burundais et les sociétés en vue de respecter le principe qui satisfait toutes les parties. Cela transparaît dans le communiqué de ce conseil lu samedi par le général-major Silas Niguligwa, secrétaire permanent du dit conseil. Le même conseil qui exhorte le ministère de l'énergie et mines d'encourager les coopératives d'exploitation minière d'évoluer vers les coopératives semi-industrielles suivantes. S'agissant de la réorganisation du secteur minier, le Conseil national de sécurité apprécie le pas déjà franchi dans l'octroi des permis d'exploitation en faveur des coopératives qui n'en possédaient pas et exhorte celles qui restent de le faire dans les meilleurs délais, dans le strict respect de la loi. Pour ce qui concerne les conventions d'exploitation des minerais signées entre l'État du Burundi et les sociétés privées, le Conseil national de sécurité recommande au ministère ayant dans ses attributions le secteur minier de revisiter les conventions en vue de respecter le principe qui satisfait toutes les parties contractantes telles que le gagnant-gagnant à titre exemplatif. Bien plus, le Conseil national de sécurité recommande au même ministère d'encourager les coopératives d'exploitation artisanale des minerais d'évoluer vers l'exploitation semi-industrielle et ou d'intégrer les sociétés industrielles. Le mauvais accueil des malades dans différentes structures de soins dans le pays reste d'actualité, comme l'indique le cadre d'expression des malades, CEMABU en sigle. C'est au moment où le 11 février est la journée internationale dédiée aux malades. Le porte-parole du dit cadre indique également que les affiliés de la mutuelle de la fonction publique se lamentent des services qui leur sont offerts. Toutefois, Sylvain Habanawakize remercie le gouvernement via le ministère de la Santé publique des efforts fournis en vue d'améliorer la santé de la population. Suivez Sylvain Habanawakize. Le CEMABU aimerait d'abord remercier le ministère et à la santé de la population dans ses attributions ainsi que le gouvernement de l'effort fourni pour que la santé de la population s'améliore davantage. Au niveau du CEMABU, nous sommes au courant de cette situation. Les gens, les malades se lamentent qu'il y a un accueil non courtois, c'est-à-dire que les usagers de certains hôpitaux se lamentent. C'est pour cette raison qu'au niveau de notre organisation, nous demandons au ministère ayant la santé de la population dans ses attributions ainsi que les directeurs des différents hôpitaux là où on observe ces comportements d'un accueil non courtois, que les dirigeants s'investissent davantage pour que ce comportement ne se répète plus. Cette journée arrive au moment où les affiliés de la mutuelle de la fonction publique se lamentent comme quoi ils peuvent avoir des médicaments prescrits, mais une fois à la pharmacie, ils ne reçoivent pas ces médicaments. Est-ce que cette situation vous a été rapportée? Nous sommes au courant de cette situation, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu les dirigeants de la mutuelle de la fonction publique ainsi que le ministre et à la santé de la population de ses ambitions. Ils n'ont rien dit sur ces lamentations. Nous avons entendu qu'il y a des lamentations pareilles et c'est pour cette raison qu'au niveau de notre organisation, au niveau du CEMABU, nous demandons aux dirigeants de la mutuelle de la fonction publique ainsi que le ministère de tutelle pour que ces gens disent quelque chose à propos de ces lamentations. Nous avons tenté de joindre le ministère de la Santé publique et de lutter contre le sida, mais sans succès, nous continuons à le chercher. Des champs de manioc, de colocas et de maïs se trouvant dans les vallées des rivières Dama et Mulembwe ont été inondés, voire déracinés dans certains endroits suite aux crues de ces rivières lors d'intenses pluies qui s'y sont abattues dans l'après-midi de ce dimanche. Les cultivateurs rencontrés ce lundi matin dans la vallée de la rivière Dama disent qu'ils ne pourront rien récolter et craignent et manquent de vivre dans les jours à venir. Au sport, avant de clore ce journal, la formation Interstar a perdu ce dimanche son premier match dans le championnat de la deuxième division à la troisième journée. Il a été battu par Burundi Sport Dynamique 2-0. Au rugby, l'équipe Youth Team a remporté ce dimanche le trophée du tournoi A7 qui a été organisé par la Fédération Burundaise de Rugby. Il a en effet corrigé la formation hygiène sur un score de 32-0. Les détails de l'actualité sportive, c'est avec Jean-Marie Vianney Gendakouman. La Fédération burundaise de rugby a organisé ce week-end le tournoi de rugby intitulé A7I. Côté féminin, samedi au stade du Isere Stadium d'Olumonge, la formation de cette province d'Olumonge a remporté la victoire de 10-0 face à l'équipe d'Olumori. Ce dimanche, le championnat a continué au terrain de Tempête à Mairie de Bujumbura côté masculin. C'est la formation Youth Team qui a remporté le trophée après avoir battu Hygiène sur le score fleuve de 32-0. Bukuru Boniface, président de Youth Team, se réjouit de cette victoire. Je me sens très fier de remporter cette coupe. Parce que c'est une coupe qu'on a mis dans la tête pendant une saison, d'une séance au moins trois fois comme ça. J'ai été le vainqueur pour la première séance et la deuxième séance. Et aujourd'hui, je vais remporter la coupe avec la troisième séance. Je me sens très fier. En athlétisme, 10 athlètes qui représenteront la Légion Sud dans le championnat national de Cross Country ont été connus ce dimanche après la compétition régionale qui s'est déroulée en province Makamba. Samuel Niubawe, président de l'athlétisme en province Makamba, indique que les meilleurs athlètes vont représenter le Burundi dans les compétitions internationales de Cross Country qui se tiendront en Danemark le mois d'avril. En football, le championnat national de football en deuxième division était à sa troisième journée ce week-end. Samedi, les jeunes athlétiques a battu 2-1 la formation Lumonge City des Warriors. L'équipe militaire de Muzinga a battu 1-0 Aigle Noir B. Unité FC a égalisé 1-partout avec Mosushuga. Ce dimanche, Royal FC de Muramvya s'est incliné 3-1 face à Lumière de Mumba. Le match qui était beaucoup attendu par les amateurs du ballon rond est celui qui a opposé Interstar et Burundi Sport Dynamique qui s'est sorti sur la victoire de Burundi Sport Dynamique de 2-0. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.